passe le niveau 2 sur Indestar le jeudi soir dès 21h. PK Avenger, level 2. You win. Nous sommes sur Indestar donc pour PK Avenger, où ce soir nous parlons gastronomie avec Linda, Daniel, Thierry, Léa, Teddy et moi-même. Ce soir, Linda, il me semble que tu vas nous parler de gastronomie qui est Nota Bene. Et oui, parce qu'ils se sont rencontrés. Et qu'est-ce que ça donne quand ils se rencontrent tous les deux? Un magnifique livre. Mais pas n'importe lequel. Déjà, est-ce que vous en avez entendu parler? Il vient de sortir. Hein. C'est pas le guide Michelin. Non. Je connais juste Nota Bene, vu que je salue mon petit frère au passage qui regarde beaucoup ses vidéos. Mais c'est tout, je connais juste. Il est d'ailleurs passé à Japan Tour Festival sur Tour. Je crois que c'est comme l'année... ça qu'il a eu. Nous, on n'est pas loin de Tour, hein, c'est ça. Oui. C'est ça, dans la région Centre-Val de Loire. Et lui, il n'est pas très loin de Tour non plus. C'est ça. Voilà. Vu que c'est plutôt ça qu'il faut dire, Tour est pas très loin d'Amboise, c'est mieux quand même. Ouais. Il pourrait peut-être nous faire un coucou. Bah écoute, pourquoi pas, faudrait l'inviter. Ouais, c'est vrai. Faut voir, ouais. Donc, ils ont fait un livre tous les deux, et alors le titre, c'est Cuisiner l'histoire. Ce que j'allais dire, ah, c'est pas très bon les bouquins d'histoire. Au fur et à mesure de l'histoire. Tu t'es pas demandé qu'est-ce qu'elle nous parle de ça en cuisine? C'est bizarre parce que c'est un mec qui fait de l'histoire à la base, donc c'était étrange quoi. Bah non, c'est pas si étrange que ça parce que c'est vrai que la cuisine ça remonte à des années et des années. Loin, ouais. À partir de quel moment on s'est dit. C'est un diamant, ouais. Je le mettrais bien sur le feu pour le faire cuire et je le mangerais bien. Déjà à partir du moment où on a contrôlé le feu, parce qu'on a découvert le feu, mais ça ne voulait pas dire le contrôler, savoir à quelle température il fallait faire telle chose, donc on a appris au fur et à mesure. Déjà, il a fallu penser à mettre la soupe sur le feu, déjà. Oui. C'est vrai. Donc, pour en revenir à Nota Bene. Oui, du coup, c'est un livre que vous pouvez retrouver aux éditions Hachette Héros qui est sorti le 13 octobre 2021. Donc, c'est tout nouveau. Mais c'est tout récent. Oui. Bah oui, c'est récent. Mais avant de vous parler du livre, je vais d'abord vous présenter les auteurs du livre. Donc, Nota Bene, en l'occurrence, c'est un auteur et vidéaste qui s'appelle Benjamin Brio. Voilà, pour les intimes. Hein. Benji, c'est ça. C'est le créateur de l'émission très connue Nota Bene. D'histoire, donc l'émission d'histoire. Oui. Et l'émission porte le nom de Nota Bene. D'accord. Elle est sur YouTube depuis 2014 et donc il réalise et produit des vidéos en collaboration avec des historiens et diverses institutions comme par exemple le musée du Louvre. Donc ça rigole pas. Ouais, c'est. Il a du bagage. Ils font quoi à manger au Louvre? Ah non, mais là c'est plutôt sur l'histoire hein, pour le coup. Hein. C'est t'as raté ton coup, Daniel. Ouais. Non, mais je voulais savoir ce qu'il mangeait au Louvre. Je sais pas. Daniel va finir au Louvre. C'est possible. C'est déjà en partie fait. Là. Alors, l'objectif de Benjamin, c'est de rendre l'histoire accessible à tout le monde, au plus grand nombre, sans sacrifier le sérieux du fond et les recherches. Parce que l'histoire, quand même, c'est du sérieux. Bah, il paraît, c'est quand même un peu mieux. Ça dépend, parce que moi, des histoires, j'en raconte, mais elles sont pas sérieuses. Non, toi, c'est des conneries que tu racontes, c'est pas pareil. C'est bien d'avoir des sources, et je pense que le partenariat avec le Louvre appuie la véracité de ce qu'il dit. Quoi. Ouais. Ça confirme ce qu'il avance, quoi. Vu que dans la forme, ça peut que aider, ça. Alors, le deuxième acolyte gastronogique. Qui est gastronogique? C'est un chef cuisinier et un expert en pop culture, au prénom de Thibaut, qui travaille au cœur des cultures de l'imaginaire depuis près de 10 ans. C'est un fils d'artisan boulanger. Aucune réaction de Teddy? C'est moi. Juste un petit c'est moi pour pas l'oublier. Il est passionné de cuisine évidemment et il décide en 2014 de créer Gastronogeek, un pont entre la gastronomie et l'univers geek. D'accord. La pop culture et la gastronomie, Gastronogeek en fait son affaire. Donc voilà, le duo qui a créé ce livre très sympathique. Et maintenant, je vais vous décrire un petit peu le contenu de ce livre en fait. Oui, l'intitulé, tu cherchais le mot. Oui, l'intitulé. Ouais. Il y a 35 recettes qui mettent en lumière les hommes et les femmes qui ont marqué leur temps, mais également des époques ou des lieux clés. Donc c'est très pointu finalement. Ouais, il a été ciblé des choses très précises et après... Qu'ils soient explorateurs, gangsters, souverains ou encore héros de guerre, que mangeaient-ils? La question qui se pose, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils mangeaient à l'époque? C'est intéressant pour le coup. Hein. Ah, c'est pas ceux qui ont créé les recettes, c'est ceux qui mangeaient. Qui les mangent. Genre, ils prennent un personnage. Bah oui. Par exemple, François Ier, Cléopâtre ou les Vikings. Qu'est-ce qu'ils mangeaient à cette époque? Qu'est-ce qui les a tués? C'est possible. Bah en France, c'est beaucoup l'eau. Alors, ce qui est bien, c'est que chaque recette est accompagnée d'une explication historique qui permet de la replacer dans son époque et de tordre le cou à des idées reçues, quoi. Voilà. Parce qu'on a toujours des sales idées. Je sais pas, mais il y a des idées des fois. L'histoire va souvent avec les sales idées. J'ai une question qui va peut-être paraître idiote, mais ces recettes, est-ce qu'on a les ingrédients, les moyens de les reproduire ou pas? Je vais t'en parler juste après. Tu vas trop vite. Ralentis pas, Daniel. Déjà que tu marches pas vite. D'ailleurs, moi j'ai une encore. Question. Est-ce que parmi vous, il y en a qui aiment cuisiner? Non. Bah si. Oui, tout à fait. Moi? Ah bah. Ouais. Non. Oui. À partir du moment où on est. Ça dépend pour qui, dans quel contexte. Gourmet, c'est bien de se faire les plats. Un à la fois, peut-être c'est mieux, parce que si vous dites tous une réponse, on n'entend pas. J'aime bien être commis. Ah, t'aimes bien être commis avec moi. D'accord, oui. Ok. D'accord. Thierry, tu cuisines un petit peu, toi. Moi, je disais, j'aime bien manger des bonnes choses, pas forcément. Tu nous gâtes souvent, d'ailleurs. Hein. Donc, c'est bien de les faire. Ouais. Et puis, c'est bien de les partager. Oui, c'est pour ça que je vous propose de temps en temps de partager. Et une autre question, est-ce que vous seriez partant pour cuisiner et en même temps apprendre l'histoire? Parce que c'est le but de cet ouvrage, en fait. Je t'avoue que j'ai la flemme, moi. On peut lier l'utile à l'agréable. Ou l'agréable à l'utile, c'est plutôt ça. Moi, ce que je propose, je cuisine et il y en a un qui apprend l'histoire. D'accord. Moi, c'est plus le côté cuisine que histoire, mais pourquoi pas, hein. T'as Léa qui aime bien être commis. Moi, ce que j'aimerais bien, elle apprend l'histoire et toi, tu cuisines. Je vais te mettre d'office, va. Ça serait plutôt apprendre pas l'histoire d'une personne ni de ce qu'il aimait, mais plutôt l'histoire d'un plat ou d'un ingrédient. Justement. Qui dans le plat. Ouais, l'histoire en... Ça m'intéresse plus. L'histoire qu'il y a derrière le plat, tout ça. Maintenant que vous connaissez les grandes lignes de ce livre, je vais vous donner deux exemples de recettes que vous pourrez trouver dans les livres, en fait, dans le livre. Soit. Alors, c'est premier cool. titre, le curry crémeux de carpe et safran. Je vous plante le décor. Plongez en -326 dans la région de Povara, au nord de l'actuelle Inde, pour déguster un curry de poisson et son riz cultivé. Bon, et déjà, faut voyager un petit peu. Et tout ça grâce aux écrits d'As. Alors, attendez, je vais essayer de le dire bien. D'Arostobule, historien et ami d'Alexandre le Grand. Sure. À tes souhaits. Oui. Bon, alors, je vous donne une deuxième, allez. Vas-y. Ça va plus vous plaire, je pense, celle-là. La tourte à la viande et bière brune. Je connaissais pas, sûr. Ouais, moi non plus. Autant le curry, c'était facile pour poisson. Ah, je cuisine pas mal de choses à la bière et c'est quand même une heureuse surprise. Hein. La bière, ça donne un bon goût, hein. À condition qu'elle ne soit pas forte. Ne prenez pas des bières de dégustation, ça prend trop et ça devient amer. Pour prendre une canne. Non, mais c'est vrai que pour cuisiner, c'est léger. En tout cas, des bières pas trop fortes. Bah, c'est vrai que c'est valable aussi en cuisine, par exemple pour le rhum et tout ça. On prend pas un rhum de qualité à boire, on prend un rhum. Classique, on va dire. Oui. Moi, je parlais pas de la qualité, mais surtout les bières qui ont beaucoup de degrés souvent sont amères et quand tu chauffes, ça devient encore plus amer. D'accord. Alors, pour situer cet intitulé, je vous donne une date, 1888, à Londres, Jack l'Éventreur, entre bafon et criminalité, reproduisait une des recettes dégustées par au moins deux des nombreuses victimes d'un serial killer d'Angleterre. Mais dis-moi juste une question. Jack l'Éventreur, il cuisinait des tripes? C'est possible. Super. Il en a ouvert des volailles. Hein, Et bien justement, quel est votre ingrédient préféré dans la cuisine? Teddy, t'as un ingrédient préféré? Je crois que c'est un peu du spoil, mais je dirais bien l'œuf. Ah, je t'avoue que moi, c'est si pas j'ai un ingrédient. Enfin, ouais, c'est moi, j'attendais autre chose, je sais pas. L'œuf ou les fromages, souvent. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu attends plutôt en fait, un condiment ou quelque chose. Je m'attendais plus à un truc un que condiment... tu allais m'annoncer, je sais pas, du paprika ou tu vois. Un condiment. Ah, je suis assez classique, je suis pas très épice. Curry? Non. Poivre? Non. Moutarde. Le temps que tu réfléchisses, au pire, on je peut. Je vais passer faire à tirer. Et toi, Thierry, est-ce que t'as un petit plus en cuisine? Est-ce que t'as un petit, tu vois, un petit quelque chose qui fait que ta cuisine est bonne? Je pense que même sans épices, elle est bonne. Mais je peux vous dire que cette année, j'ai bien réussi à faire pousser du persil plat. Et je trouve que c'est, par rapport au persil frisé qui est joli, le persil plat a beaucoup de goût. Ouais. Et en fait, je le mets surtout au dernier moment. Je donc le tu le mets pas en cru, quoi. Cuire, voilà. D'accord. Non, mais t'inquiète pas, je vais t'offrir une machine à friser le persil pour Noël. Non, mais c'est joli le persil frisé, mais c'est beaucoup moins parfumé que le persil plat. Toi, ouais, Daniel? Alors, moi, j'ai depuis longtemps remplacé le poivre par les épices à chili. Ah, d'accord. C'est bien, ça rehausse un petit peu. Ça rehausse différemment, ça change le goût. Et comme on a déjà parlé plusieurs fois avec Théo, j'ai supprimé le sel de la cuisine. C'est longtemps. Très bien, d'ailleurs, c'est pas très bon le on sel. On embrasse Théo s'il nous écoute. On fait des bisous, ouais. Et c'est pour ça aussi, le chili permet de rehausser d'une manière différente. Et t'as l'impression que c'est un peu salé au final, c'est non, ça? Non, c'est pas un peu salé, mais ça permet de... Ça donne du goût à quelque chose qui l'a pas. Voilà, c'est ça. D'accord. Autre que le sel. Ok. Typiquement classique de la cuisine indienne et tout ça. Ouais, alors si on est habitué à manger salé, c'est vrai qu'au début, ça fait bizarre de manger sans sel. Bon, moi, j'ai réduit progressivement. Ouais. Mais ça se fait au bout d'un moment. Ça, au fur et à mesure, ça... Est-ce que vous me permettez, vous savez que j'aime faire toujours des petits détours. Je vous en fais un encore ce soir. Oh, en rapport vas-y. Avec la gastro. Je vais vous présenter encore un youtubeur que j'affectionne. Je le salue s'il nous écoute. Non, on te salue, mystérieux. Alors, YouTuber, il se prénomme Florian. Est-ce que vous connaissez un Florian qui pourrait être proche de la gastronomie? Ah, en tout cas, j'ai par contre, en Facebook, j'ai vu que tu avais changé un message avec un Florian, effectivement. Ah, tu fouilles ce que je fais. Non, parce que comme stalker. Comme tu, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais quand tu mets mon nom sur les publications, que ça atterrit chez moi, et ben quand je clique sur les publications, je vois aussi ce que tu as publié d'autre. Sur son mur. Ouais, t'es mentionné. Alors, Florian, c'est un peu un mec comme nous parce qu'il a commencé en 96 sur Ado FM, une petite radio associative. Non, mais il fait de la radio, tu vois. Le mec, il a fait de la radio. D'accord. C'est un lien avec nous. On le salue. Oui. En parallèle de la radio, Florian se lance sur YouTube en 2016 et il crée sa chaîne qui s'appelle Florian On Air. Ouais. Voilà. Il propose des vlogs puis des vidéos autour de la nourriture. Alors, en gros, pour vous expliquer, il fait le tour de tous les établissements où on peut se restaurer et partage ses expériences. Et je peux vous dire que ça met l'eau à la bouche. Au point que j'ai dû supprimer sa page parce que je ne pouvais plus regarder ses vidéos. Donc voilà. Non, je l'ai rajouté parce qu'il est très très bon. Et puis à chaque fois. Elle voilà. T'en manque. Non, je crois que tu lui as demandé son secret parce qu'il n'avait pas l'air de grossir. Mais il a la ligne, mange. Le mec. Je ne sais pas comment il fait exactement. J'aimerais bien qu'il me réponde. Dans gastronomie, t'as gastronomie. Non. Non, mais lui, il s'appelle Florian On Air. Oui, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, tiens. Bah, c'est l'air alors qui fait qu'il est. J'ai un petit peu de promo à vous proposer. Vous savez qu'on a le Japan Tour Festival de Tours qui va repartir en février. Oui. Ouais. Eh bien, Florian On Air et Gastrono Geek, figurez-vous qu'ils seront sur l'événement. Ils seront présents à Tours, en région Centre-Val-de-Loire, si vous voulez venir. Il y a toujours un événement comme à Paris. Comment ils s'appellent ? La Japan Tour. La Japan. Ouais. Quoi ? Bah, Japan Expo, pardon. Oui, la Japan Expo de Paris, et ben à Tours, vous avez la même, mais pas la même date. Voilà, donc du coup. Vous avez la même, mais pas la même. Thibaut sera là le 18, 19 et 20, et Florian, il sera là le 19 et le 20. D'accord. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de japantourfestival.com. D'ailleurs, vous pourrez aussi les retrouver en podcast sur indestar.fr. Oui, hein, oui. Jamais vous les avez ratés. Donc, je fais un bisou à Florian. Hein. Voilà. Bisou Florian. Voilà. Bisous, Florian. Je vous rappelle vite fait des infos sur le livre. Donc, le titre, c'était Cuisiner l'histoire aux éditions Hachette Hérault. 35 recettes inspirées des grands personnages historiques en 192 pages, quand même. Mm-hmm. Au prix de 24,95€. Ça fait trop de pages pour moi. Tu l'as lu ? Non, mais alors justement, est-ce que vous seriez à même de l'acheter ? Ça fait trop de pages pour moi. Mais ça se feuillette, ça se relie. Visuel, ouais, mais non. Mais il y a des photos aussi. Hein. Non, mais visuel dans le sens où je regarde souvent des vidéos de comment ils font et tout ça pour piquer leur technique. Non, mais c'est vrai, la cuisine, c'est ça. Hein, oui. Non, mais disons que j'aime bien la formule, en fait. Là, la première chose que je vais faire, c'est d'aller voir son blog. Et après, quand on s'intéresse aux gens et à ce qu'ils font pour les encourager, on peut demander un livre dédicacé, par exemple. Par exemple. Linda, si t'as envie que je te l'achète à Noël... Bah, en vrai, je vais me l'offrir. Voilà, c'est ce que j'allais dire. D'accord. Bon, d'accord, bah, Léa, t'as raté ton coup. Et vous savez pourquoi je vais me l'offrir ? Parce que j'ai trouvé des bons avis sur Internet, par exemple. Ils disent que c'est un très bel ouvrage, un livre qualitatif, une illustration magnifique. Tu vois, il y a des photos. Donc c'est important. Non, mais je dis pas que les photos, c'est bien, mais les photos des plats, les photos des plats terminés, moi, ça m'intéresse pas. Alors, c'est plus la méthodologie et tout ça, moi, qui m'intéresse. Des illustrations magnifiques, des recettes gourmandes, et toutes enrichies par une anecdote historique. Donc voilà, il y a aussi quelqu'un qui dit excellent, le livre est juste génial, j'adore ce mélange d'histoire et de cuisine, cette collaboration est incroyable. J'espère qu'elle sera poursuivie. Donc ça donne envie. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, ça peut, si t'es passionné de tout ça, oui. Bah moi j'aime la cuisine, après on est tous passionnés plus ou moins de cuisine. Ouais, on aime manger, à partir du moment qu'on mange. Non, mais le français, il aime manger. Bah oui. Ouais, bah oui. Mais si on peut apprendre l'histoire en même temps, pourquoi pas ? Si on peut donner un sens à ce qu'on mange, quoi, c'est intéressant. J'ai bien aimé le concept, en fait. Ça va. Voilà. Pourquoi pas, oui. Et puis c'est bien parce qu'il y a des personnes derrière, c'est-à-dire que c'est pas du virtuel pur et dur. C'est vrai. Et puis finalement, c'est des petits gars qui ont commencé en normal, quoi, voilà, et que maintenant ils se développent. Parce que Thibaut, comme Benjamin, ils ont commencé tout en bas, et puis maintenant ils sont très connus. Bravo. Que en bas, toute façon. Oui, de toute façon, oui, tu peux commencer en bas. Mais après... Bah, comme nous, on commence en bas, mais on commence. Ah non, nous on est en haut. On est au top du top. Commenter, Teddy. Et c'est peut-être parce qu'on écoute de la bonne musique sur Indestar, c'est pour ça qu'on est au top. La bonne musique. Ouais, ouais. Moi, j'allais dire, c'est peut-être parce qu'on a un artiste qui nous dit Darling aussi. Je sais pas, peut-être. Bon. C'est peut-être de la bonne musique. Ouais, il s'appelle pas Alex d'ailleurs. Alex ? Ouais, c'est Alex. C'est Alex Darling qu'on va écouter sur Indestar.